on est de la feu froid. Faut du ralice, faut du ralice, faut du ralice, faut du ralice. Mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. Mais mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. Mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. Mais mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. Faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Du bif, du ralice. Du bif, du ralice. Du bif, du ralice. Du bif, du ralice. Faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Du bif, du ralice. Du bif, du ralice. Du bif, du ralice. Faut du zéyo à la mort. Mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. À côté bicrave de la coupe dans le 16ème, ravitaille ses ados qui n'ont pas de soucis de zéyo, qui connaissent pas la rue sans lober. Roulant Porsche, parlant wesh, parlant yacht, parlant yacht. Garde la pêche, on porte Saint-Trope. C'est la dèche à mort et sans clope. Marrakech pour nous c'est Saint-Trope. C'est la dèche, nous reste que de la drogue. Alors on drogue, on n'a pas le choix. Nos larmes trouvent nos mouchoirs. Tes suites, tes larmes dans la soie. Tu prends des belvédères quand t'assois. Zéyo résonne dans la tête, quitte à aller à l'autre bout de la terre. Prends des risques, c'est savoir tout perdre. Vends des 10, c'est savoir tout faire. Toi t'es tu ne viens par ton père. Nous notre shit vient par la mer. Je vais percer, lâcher des carrières. On saute des meufs, on saute des barrières. Derrière, derrière, j'ai c'est Iri. Le Glock dans ton puzzle. Tu tires dans tes peuplis. Mais face à or, je monte petit. La frappe s'est mise en colère. Les MC sont pas mes collègues. Du Zéyo pour mes rebenègues. De l'euro pas 1000 euros net. L'euro restera le meilleur. Le winner parmi les remèdes. Même mineur, je voulais de l'oseille. Poto dealer, c'est la rue de Marseille. Qui gère le vice, qui gère les finances. Pas trop pot de viscère le dimanche. Je te baisse ta mère qui branle ton rebet. On pose des têtes, tu tends ton revêt. Je vais faire du sale, mets-toi en retrait. Te faire du mal, ça sera sans regret. La frappe c'est lourd, ça rentre en toqué. Bastos dans le pied, ça rentre sur le côté. Les aguicheuses nous font détrôner. Leur poule t'appelle, faut pas trop tourner. Mais même Tahlel peut se faire tourner. Quand c'est le chétan qui paye sa tournée. Je vais vous la mettre, vais bien vous bourrer. Je suis en hornet, pourquoi vous courez? Je vais vous la mettre, vais bien vous bourrer. Je suis en hornet, pourquoi vous courez? Faut du zéyo à la mort, faut du zéyo à la mort, faut du zéyo à la mort. Du bif, du ralice, du bif, du ralice, du bif, du ralice, du bif, du ralice. Faut du zéyo à la mort, faut du zéyo à la mort, faut du zéyo à la mort, faut du zéyo à la mort. Du bif, du ralice, du bif, du ralice, du bif, du ralice. Faut du zéyo à la mort, du ralice à la mort. Du bif à la mort, du ralice à la mort. Du bif à la mort, du ralice à la mort. Du bif à la mort, faut du zéyo à la mort. Faut du zéyo à la mort. Mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. Mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau. Mais mets-toi bien, cousin, le RSA c'est cadeau.